L'Europe, j'en ai plein les godasses. L'Europe, ça me file la chiasse. Aux Italiens, c'est gros blaire. Je suis copieux dans leur sensuaire. Aux Espagnols, c'est gros tas. Je suis copieux dans leur paella. Aux Anglais, c'est tête de con. Je suis dans leur chapeau melon. Aux Allemands, c'est gros blaireau. Je suis dans leur culotte de peau. L'Europe, j'en ai plein les godasses. L'Europe, ça me file de la chasse. Au Portugais, c'est trop du cul. Je suis tout nu sur leur morue. Aux Grecs, c'est gros stafiole. Je suis au fond de leur acropole. Hollandais, c'est pauvre type. Je suis menu sur leur tulipe. Aux Suédois, c'est Fantera. Je chie dans leur Ikea. L'Europe, j'en ai plein les godasses. L'Europe, ça me file la chasse. Aux Roumains, c'est poivreau. Je chie sur leur faux démo. Aux Polonais, c'est cutéreux. Je chie sur leur japonais. L'Europe, je m'en qu'une ch'touille. Y'a qu'un pays pour lequel je bande, c'est évidemment le Groland. Bravo, bravo, monsieur le président.